Cadavre enterré dans sa cave. chez lui, trois corps dissous, cinq bidons d'acide, quatre têtes, des squelettes dans un placard, un torse masculin à moitié rongé par l'acide. De six enfants et cannibale. C'était un vrai cannibale, un monstre vivant. Il y avait des poumons, des foies, des intestins, des reins, des crânes et un cœur qu'il gardait pour plus tard. Grandissant pour le cannibalisme et la religion, le poussa à consommer de la viande crue et à en servir à dîner à ses enfants. radio show, she go, come here, look like, what it look like, how was it, cold lapping, man, catch a hangovers and Range Rovers and shit. Be tricking, you know they be like, you know they be like, Flynn. Je cherche un remontant pour arriver à Bandé. Je cherche un remontant pour arriver à Bandé. city rock the red bandit coming up and face to face and I'll eat you tomorrow. Hey. I'll cut your belly off, you city rock the red bandit. The perfect.